Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, c'est la marche des sciences. À l'occasion de la semaine spéciale Idées, Savoir, la relève, qui a pris place sur nos antennes depuis lundi, dans de nombreuses émissions, et notamment celle de la tranche Culture-Science à 14h, nous avons fait le choix de regarder du côté des nouveaux champs de recherche en histoire des sciences. Et parmi eux, un terrain spécifique génère un véritable engouement et permet un croisement interdisciplinaire fructueux, en prise directe avec les enjeux de la société. Il s'agit de l'histoire environnementale, et ce n'est pas le glaciologue Claude Lorius qui me contredira. Tout le monde réalise bien que le climat, c'est aussi l'air. Il est pollué, c'est la santé. Le climat, c'est l'eau aussi. Vous savez bien qu'un des problèmes les plus importants maintenant, c'est d'assurer l'accès à l'eau potable à des millions de personnes qui ne l'ont pas. Et ça, c'est amplifié par le réchauffement climatique. Ça existait déjà, mais maintenant, ça prend une tournure. Et donc, c'est ça l'Anthropocène. On accélère et on détruit de plus en plus les ressources naturelles. Ainsi s'exprimait le glaciologue Claude Lorius au micro de Ruth Stegassi le 8 janvier 2011, usant de ce terme désormais populaire, l'anthropocène, ce moment où l'homme prend le contrôle de la planète, où son action change les conditions de vie environnementales sur Terre. Changement climatique, conservation et préservation des ressources et des espaces naturels, nuisances et pollutions, marchandisation, guerre et environnement, génétique et biodiversité, autant d'objets d'études qui montrent la très grande vitalité et richesse de l'histoire environnementale, une histoire des interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. Environnement, de nouveaux regards sur les défis du temps, tel est notre thème du jour. Et pour entrer dans cette diversité et fécondité, j'ai convié dans le studio de France Culture deux historiens nouvelle génération, Fabien Loucher, chargé de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Historique de l'EHESS. Il est co-auteur du livre « Introduction à l'histoire environnementale », un livre paru à la Découverte. Et à ses côtés, Christophe Bonneuil, historien des sciences, chargé de recherche au CNRS et membre du Centre Alexandre Coiré, de recherche en histoire des sciences et des techniques, et il est co-auteur avec Jean-Baptiste Fressoz du livre « L'événement anthropocène » édité au Seuil. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera illustrée par des archives de l'INA grâce à Annie Morales et Anne Delaveau. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 14h40, actualité des sciences et de leur histoire, on vous parlera mariage, celui entre Science et Vie et le groupe de télévision AB, AB Group, et surtout de leur bébé, une nouvelle chaîne sur le câble, Science et Vie TV. Et c'est Richard Marocco, président du groupe AB Thématique, directeur général des programmes, que nous recevrons pour explorer plus avant cette télévision entièrement dédiée à la science. Et enfin, pour sa dernière carte blanche de la saison, Céline Duchesnet nous conviera à une escapade chez nos voisins suisses, au musée d'ethnologie de Genève, et plus précisément au cœur du département d'ethnomusicologie, lieu de trésors sonores exceptionnels. Riche programme, donc, et sans plus attendre, justement, entrons dans ce champ de recherche en plein essor, l'histoire environnementale, et que l'actualité rappelle régulièrement à nous. Ce que nous faisons ici, nous le faisons pour nos petits-enfants et au-delà pour les générations futures. Les pays du Nord, comme les pays du Sud, ne respectent pas l'esprit du développement durable. Le style de vie des nations riches est écologiquement irrationnel. Dans les pays pauvres, la dégradation des ressources est la plus tragique. Obligés comme ils le sont de surexploiter des ressources naturelles desquels dépend leur survie. Ils sont acculés à sacrifier l'avenir pour assurer une vie quotidienne précaire au présent. C'est pourquoi dans bien des pays, agir contre la pauvreté contribue à protéger l'environnement. Bonjour Christophe Bonneuil. Bonjour. Bonjour Fabien Loucher. Bonjour. Alors on vient d'entendre un extrait d'un discours prononcé par Boutros-Boutros-Ghali le 4 juin 1992 au sommet de Rio. Et c'était un document donc des archives de l'INA, France Inter Interactu, de 8 heures de l'époque. Et ça marque un temps, souvent quand on parle de l'environnement ou de l'histoire même environnementale. Et ce sont ces événements-là les plus récents qui interpellent l'opinion publique et qui reviennent. Mais c'est toute une histoire bien plus ancienne que vous nous proposez dans vos travaux respectifs que vous nous présentez. Historien donc au CNRS, spécialiste de l'histoire environnementale. Alors dites-nous peut-être d'abord une réaction par rapport à ce document d'archives, si vous le souhaitez. Et puis concrètement, l'histoire environnementale c'est quoi ? Christophe Bonneuil. Alors là on est en 1992, donc un sommet de la Terre qui n'est pas le premier. Il y en a eu un très important aussi à Stockholm en 1972. On pourrait s'amuser à remonter encore plus loin. En 1949, il y a un autre sommet des Nations Unies sur la gestion rationnelle des ressources, où on a aussi des discours très globaux sur comment il faut gérer la planète. Et puis on peut retrouver autour de cette idée d'anthropocène qui était proposée par monsieur le climatologue Claude Lorius, ce constat de l'impact des activités humaines sur l'ensemble du globe, on le retrouve chez des auteurs du XVIIIe siècle, comme Buffon en 1778, qui explique que la Terre est un astre qui vient du Soleil et donc qui se refroidit, et heureusement qu'il y a les humains qui déforestent, qui enlèvent des forêts, pour maintenir la température de la planète, et donc on climatise le globe, et il y a déjà cette conscience aiguë d'un pilotage de la planète par les activités humaines. Donc une conscience aiguë, certes, avec des paroles qui se font entendre, des alerteurs aussi, et en même temps, c'est vrai que ces sommets spécifiques, ou comme là avec ce son de Rio en juin 1992, là on a le sentiment que c'est véritablement aussi une prise de conscience au niveau des grands de ce monde, et avec peut-être au moins une certaine volonté d'agir, ce qui n'existait peut-être pas dans les siècles précédents. Fabien Loucher, vous avez travaillé sur ces siècles anciens, justement. Oui, ça c'est vraiment un des grands acquis de l'histoire environnementale, c'est de montrer que le souci pour la dégradation de l'environnement, la conscience qu'on peut avoir des actions qu'on a sur la nature et des effets délétères que ça peut avoir, c'est quelque chose qui existe au sein des sociétés depuis alors l'époque moderne de façon très massive, mais aussi on a des historiens de l'Antiquité qui nous montrent bien que dans les textes de l'Antiquité grecque et romaine, on a ce souci pour la déforestation, pour l'érosion, pour toutes les conséquences parfois désastreuses, que les actions humaines peuvent avoir sur l'environnement. C'est en quelque sorte aussi un paradoxe pour l'histoire environnementale, parce que l'histoire environnementale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née aux États-Unis dans les années 60-70, à un moment de prise de conscience intense, de montée de l'environnementalisme. Donc c'est une sorte, cette histoire environnementale a été produite par une conjoncture socio-historique particulière. Mais en même temps, un de ses grands acquis est de montrer que, depuis de longs siècles, eh bien, la conscience environnementale existe et elle est active au sein des sociétés. Alors l'histoire environnementale, ce n'est pas l'histoire de l'environnement. Attention, Christophe Bonneuil. Oui, disons que dire histoire de l'environnement, ça supposerait qu'on étudie l'environnement comme un compartiment un peu séparé qui mériterait son histoire spécifique, comme on a fait une histoire des forêts, une histoire des zones humides, etc. Alors que, c'est un petit peu le propos du livre Introduction à l'histoire environnementale de Fabien Loucher et ses collègues, l'histoire environnementale a une vision beaucoup plus dynamique des interactions nature-société, une vision presque évolutive, où finalement les activités humaines sont traversées par des flux de matière et d'énergie, et elles-mêmes recomposent ces flux de matière et d'énergie à des échelles locales ou à des échelles globales. Alors, on a bien expliqué que ce terrain de recherche avait d'abord été initié aux États-Unis, dans les années 60-70. On pense forcément là à ce livre formidable Silent Spring, le printemps silencieux de Rachel Carson, qui a été cette biologiste qui a permis d'interpeller aussi sur les méfaits des pesticides, les DDT notamment, etc. Qu'en est-il, en tout cas, en France, en matière d'histoire environnementale? On va en parler dans un instant, mais je voudrais vous faire d'abord entendre un document d'archives de l'INA. C'est l'émission L'apprenti sorcier sorcier de Pierre Ichac. C'était le 20 octobre 1954 sur les antennes de la radio-télévision française. Du 25 août au 3 septembre dernier s'est tenue à Copenhague la 4e Assemblée Générale de l'Union Internationale pour la Protection de la Nature. Des savants de toutes disciplines, des botanistes, des sociologues, des zoologistes, des agronomes, des géologues, ont dressé le dernier bilan de la dévastation croissante que subit en ce moment notre globe. Tandis que les populations s'accroissent à un rythme qu'elles n'ont jamais connu, les progrès vertigineux des sciences fournissent à l'humanité des moyens de destruction chaque jour plus dangereux, des plantes, des bêtes, des terres cultivables disparaissent, et par malheur, l'idée se répand de plus en plus que le progrès même justifie ces destructions et que bientôt, dans un monde rénové, la science rendra superflue la conservation de cette nature au sein de laquelle nous sommes nés et qui nous paraissait hier encore indispensable. La vérité et que l'homme moderne, dans son imprudence, se conduit à la manière de l'apprenti sorcier, que dès aujourd'hui, nous devons nous convaincre qu'il est absolument nécessaire de freiner la destruction inconsidérée des plantes, des animaux et des sols, qu'il nous faut promouvoir à travers le monde un vaste mouvement pour la défense de la nature. Tel est le cri d'alarme qui nous vient de l'Assemblée Générale à Copenhague de l'Union Internationale pour la Protection de la Nature. Et la présente émission ne sera ce soir que son porte-parole. Voilà, Pierre Ichac, le 20 octobre 1954, et encore 54, on a des documents plus anciens, hein, et avec des personnages comme Roger Haim, enfin, il y a ces alerteurs, il y a ces paroles qui se font entendre en France. Je reviens quand même sur ce domaine de l'histoire environnementale. Comment est-ce que vous expliquez, l'un et l'autre, que finalement la France donne une impression de réticence, peut-être, à reconnaître la légitimité d'un tel domaine, Fabien Loucher? Alors, il y a une complexité, effectivement, dans la réception, hein, de l'histoire environnementale en France, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les historiens français ont l'impression, et parfois justifié, que l'histoire française fait depuis longtemps de l'histoire environnementale, du fait de son interpénétration ancienne avec un domaine qui est celui de la géographie historique. Donc, l'interpénétration ancienne entre la géographie historique et les approches historiques font que, eh bien, il y a un discours, ou en tout cas, il y avait un discours au départ disant, mais finalement, l'histoire environnementale, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Est-ce que ce n'est pas un gadget importé en plus des États-Unis? Une mode, quoi. Une mode passagère. Donc là, il y a aussi, encore une fois, un effet paradoxal aussi, c'est-à-dire que l'histoire française aurait pu être particulièrement bien préparée pour accueillir l'histoire environnementale, parce qu'elle avait intégré des éléments de l'environnement dans ses analyses depuis longtemps. Mais en même temps, ça a provoqué une espèce de réaction en retour, de peut-être pas de rejet, mais de réticence, en tout cas temporaire. Mais je crois quand même que tout ça est bien derrière nous. On le voit avec tous les collègues aujourd'hui qui s'emparent de l'histoire environnementale. Ah oui. Et en fait, on peut dater de quel moment peut-être la bascule, ou le fait que véritablement l'histoire environnementale commence à asseoir, en tout cas son domaine, sa légitimité en France. Il y a une dimension institutionnelle qui est assez nette. C'est toujours un peu difficile de rendre hommage à son institution, mais c'est vrai que le CNRS en la matière a joué vraiment son rôle historique, c'est-à-dire d'impulser dans le champ de la recherche française de nouvelles thématiques, parce que le CNRS a recruté successivement 4 chargés de recherche en histoire environnementale, avec le projet délibéré et explicite, hein, de dynamiser ce champ en France. Donc là, vraiment, c'est l'action de l'État et le service public de la recherche qui a délibérément, sur la base de constats intellectuels, hein, mais avec des moyens institutionnels, impulsé cette dynamique qui est aujourd'hui florissante. Mais c'était pas avant les années quoi, 80? Ce sont dans 90. Les années plutôt 2000. Ah, 2000, et oui, quand même. Dans les années 2000, aussi la création du RUCH, le réseau universitaire de recherche sur l'histoire environnementale. Donc une initiative de structurer la communauté des chercheurs sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'est vrai en cette réticence dont parlait Fabien Loucher est vraie en histoire, mais elle est vraie dans l'ensemble des sciences humaines et sociales, une réticence par rapport aux prises en compte d'approches environnementales. D'une part parce que historiquement, les sciences humaines et sociales se sont constituées dans une réaction à toute forme de biologisation ou de naturalisation. Donc au cours du 19e siècle, elles ont revendiqué leur territoire propre, l'idée que la société a ses lois propres, qui ne sont pas des lois de la nature et qui méritent donc une expertise particulière pour les sciences humaines et sociales, que l'histoire finalement c'est s'éloigner de la nature fondamentalement et donc la constitution d'un champ d'expertise propre aux sciences humaines et sociales. Donc on a toujours ce réflexe un peu antinaturaliste dès qu'on voit un écologue ou un géologue nous parler des impacts humains sur la planète. C'est un peu un réflexe de spécialiste des sciences humaines et sociales, il y a eu effectivement ce refus d'une mode, de quelque chose qui serait trop dans les médias, qui serait anachronique. On a dit, voilà, puisque le vocable d'environnement, il est assez récent, le mot d'écologie ne date que de la fin du 19e siècle, oui, c'est l'idée vrai que de décroissance, c'est très très récent. Oui, oui. Pour autant... des préoccupations pour les choses environnantes, on disait peut-être pas environnement, mais au début du 19e, on dit les choses environnantes, avec le mot latin circumfusa, la critique de la possibilité d'une croissance indéfinie, ou la prise en compte d'enjeux qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'environnementaux, avec des alertes et des savoirs et des contestations, ne datent pas des dernières décennies, et donc sont entièrement redevables d'un travail d'historien. Et puis peut-être la dernière raison, il me semble, des résistances, c'est les imaginaires progressistes, des imaginaires de croissance qui sont peut-être encore les imaginaires de la communauté historienne. C'est un héritage des Trente Glorieuses, sans doute. Par exemple, François Cirinelli, qui est un historien à Sciences Po, d'histoire politique, d'histoire des intellectuels, a écrit récemment qu'il fait partie d'une génération qui était enfant dans les années 60, a baigné dans le liquide amniotique de la croissance. Et il reconnaît finalement à quel point ce contexte a pu jouer sur une certaine façon d'écrire l'histoire, dans laquelle on considère que reconstruire la France, agrandir l'économie, accroître la productivité du travail, c'est des nécessités presque naturelles. On ne peut pas faire autrement, et donc c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément interroger en tant que catégorie, en tant qu'historien. Et d'une certaine façon, l'histoire environnementale vient questionner ça, parce que si on commence à regarder les processus économiques et sociaux à l'aune de flux de matière, d'énergie, de rendement énergétique, les critères de performance de nos sociétés, les critères de performance de notre économie peuvent être questionnés. Par exemple, le rendement énergétique de l'agriculture a fortement diminué depuis le 19e siècle. Certes, la productivité par hectare, la productivité horaire a augmenté, mais d'autres paramètres, la qualité des sols, la qualité de la diversité cultivée, le rendement énergétique ont baissé. Et du coup, ça nous amène à des imaginaires qui ne sont plus nécessairement progressistes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut sombrer dans une histoire environnementale qui serait uniquement décliniste, ce qui a été le cas dans un certain courant, l'histoire environnementale américaine dans les années 70-80, mais en tout cas ce qui vient rentrer en tension avec un imaginaire des Trente Glorieuses qui était peu interrogé finalement par la communauté historienne et qui arrive aujourd'hui pour nous questionner fortement. Ah oui, et puis il y a aussi certainement toute cette différence culturelle aussi entre les Américains et nous, ou les Européens, ou les Français spécifiquement, c'est-à-dire que pour rentrer ou établir un champ d'histoire, là on se pose beaucoup de questions, il faut qu'il y ait aussi ce temps et ce recul, alors que les Américains certainement, eux, s'engouffrent plus rapidement sur ces chantiers de recherche. Mais vous parliez de Cirinelli des années 60, donc avec cette société de production et de consommation. Quand je vous ai demandé à l'un et l'autre de nous faire un choix musical, Christophe Bouneuil, vous avez proposé une chanson de Jean Ferrat qu'on va vous faire écouter tout de suite, parce que pour moi, elle résonne, c'est 1962, donc c'est les années 60 de Cirinelli, mais voici ce que l'on entendait quand même aussi à l'époque, en 1962. Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans. On mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole. Alors voilà le reste du texte, bien sûr, et aussi sur cette même veine, hein, Christophe Bouneuil, une chanson qui dénonce, mais nous sommes sur ce terrain de l'histoire, et bien évidemment dans ces années-là, en France, on n'en est pas encore à une historiographie, et encore moins à une histoire environnementale. Alors on parle d'histoire, il faut bien préciser, hein, cette histoire environnementale, ce n'est pas que de l'histoire des sciences, j'ai dit que c'était vraiment une discipline interdisciplinaire, c'est un champ de recherche interdisciplinaire. Fabien Locher. C'est un changement charnière. En réalité, histoire environnementale, pour moi, la meilleure définition qu'on peut en donner, c'est de dire que c'est un regard environnemental sur toutes les questions historiques. Donc on peut faire une histoire environnementale, certes, de la pollution, de la dégradation des océans, que sais-je encore. Mais on peut faire une histoire environnementale de l'esclavage, de la guerre, on peut faire une histoire environnementale de la voiture, on peut faire une histoire environnementale de la propriété, c'est ce que je fais en ce moment, on peut faire une histoire environnementale de la nation. Enfin, bref, l'histoire environnementale, comme l'histoire culturelle ou l'histoire politique, c'est une façon de porter un nouveau regard sur les sociétés, en faisant rentrer dans le champ de l'histoire, dans le récit historique, de nouveaux acteurs, des microbes, des animaux, le climat, des courants marins, des non-humains qui rentrent dans le champ de l'histoire, qu'on incorpore à nos récits, des non-humains qui sont actifs, qui sont des acteurs à part entière de l'histoire et que l'histoire environnementale met en scène, décrit, analyse dans ses travaux. Et alors pourquoi l'un et l'autre et vous avez décidé de rentrer justement dans ce champ ? Mais en fait, il y a des éléments qui sont liés à l'évolution de l'histoire environnementale, mais aussi à l'évolution de l'histoire des sciences. C'est vrai qu'on vient tous les deux de l'histoire des sciences et de l'histoire des techniques. Et au sein de l'histoire des sciences et des techniques, il y avait ce dynamisme dans les années 90-2000, ce dynamisme qui nous poussait à aller voir, à aller lire beaucoup d'historiens américains, à être particulièrement aptes au changement, à se déplacer sur la guerre froide et puis sur les années 70 et 80, alors que c'était pas encore très à la mode chez les historiens. Donc, nous venions aussi d'un milieu qui était étrangement marginal, l'histoire des sciences au sein de l'histoire, et en même temps avec cette capacité qu'ont les marges de produire du neuf. Donc c'était une espèce de façon pour nous d'être à la fois des marginaux et peut-être avoir ce petit dynamisme, cette capacité à prendre des risques que des personnages, des acteurs plus centraux dans le champ n'ont pas toujours. Peuvent avoir, mais non pas toujours. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Et ce qui a été important pour nous aussi, et pour l'histoire environnementale française, je pense, c'est que venant de l'histoire des sciences et des techniques, nous n'avons pas pris, et nous ne prenons toujours pas les sciences et les techniques comme une boîte noire que nous serions incapables d'analyser, qui nous impressionnerait, qu'on n'oserait pas, boîte noire qu'on n'oserait pas ouvrir. Non, l'idée vraiment, je pense, qu'on partage avec Christophe, c'est l'idée de dire qu'on fait l'histoire environnementale de tel ou tel objet, mais en même temps, on fait l'histoire des savoirs et des techniques qui se sont construit autour de cet objet, qui l'ont fabriqué, qui l'ont exploité, etc. Donc, on fait à la fois une histoire, nous faisons à la fois une histoire des savoirs et des techniques, et une histoire environnementale des phénomènes historiques. Et ça, c'est une caractéristique qui rend l'histoire environnementale française constructiviste, c'est-à-dire que on ne prend pas la nature, l'environnement comme un donné qui serait défini par la science de façon univoque et surplombante. Non, on déconstruit à la fois l'environnement et la nature, et tous les processus qui se retrouvent sous ces grandes dénominations. Une histoire globale, hein ? Oui, alors c'est vrai que l'histoire des sciences et des techniques est armée à rentrer sur ces questions d'histoire environnementale parce qu'elle historicise les savoirs, les représentations. En même temps, il y a toute une série d'autres collègues qui sont arrivés à l'histoire environnementale à partir d'autres bagages. Ça peut être l'histoire urbaine, l'histoire sociale des villes, autour des questions des déchets, des pollutions. L'histoire économique, l'histoire politique. Ça peut être l'histoire politique sur la gestion des ressources. Ça peut être une histoire sociale, une histoire du travail sur, par exemple, les réactions ouvrières à la mécanisation, la critique de la machine et du progrès par des couches ouvrières au XIXe siècle, comme l'a fait François Jarige. On peut y arriver par une histoire culturelle, des représentations de la nature, comme Charles-François Matisse. Il y a toute une série d'entrées par lesquelles on peut ouvrir des chantiers en histoire environnementale. Alors moi, j'y suis arrivé à partir d'une question d'histoire de la colonisation. Il y a 25 ans, j'étais en licence d'histoire à Paris 7, où il y avait un gros laboratoire d'histoire de l'Afrique autour de Catherine Cochry-Vidrowitch. Là, dominaient deux approches, une histoire politique des luttes anticoloniales et une histoire économique de l'exploitation des colonies par la métropole. Et il me semblait qu'à ces approches un peu marxisantes qui voyaient la colonisation, le problème de la colonisation essentiellement comme un problème d'exploitation, il y avait aussi une question qui était celle de la domination des formes de discipline, des rapports entre environnement et société. Comment on incite des paysans à cultiver autre chose, à vivre dans leur environnement d'une façon totalement différente, des formes d'aliénation finalement qui étaient tout aussi intéressantes à étudier que l'histoire qui se faisait à l'époque en termes d'exploitation. Et du coup, je me suis intéressé au rôle des experts coloniaux leur place dans l'appareil étatique colonial et la façon dont ils ont transformé les rapports des sociétés rurales à leur environnement. Oui, donc qui légitime finalement la colonisation, c'est ça ? Voilà, il y a cette dimension-là, effectivement, où il y a l'idée que la planète, fin 19e, début 20e, c'est un ensemble de ressources, que ces ressources sont inégalement réparties. Il y en a beaucoup sous les tropiques, où on a des populations qui sont paresseuses, sauvages, qui n'ont pas ni l'initiative économique, ni la capacité scientifique que nous, les Blancs, nous avons. Et donc, puisque ça les Blancs ont la science et la technique, ils se sont construits comme légitimes à exploiter le reste du monde pour le bienfait de l'humanité, évidemment. Ouais. On avait des discours de légitimation par la science du droit à la mise en valeur du monde. On retrouve ça chez Lord Lugart dans le Dual Mandate. On retrouve ça chez Albert Sarrault, un des théoriciens de la colonisation française. C'est vraiment le cœur de la légitimation de la colonisation. C'est vraiment la supériorité scientifique de l'homme blanc. Et puis ensuite, donc, vous avez continué vos travaux, hein, Christophe Bonneuil, alors les OGM, les semences, la standardisation, réduction de la diversité génétique. Ça, c'est dans le... On trouve tout ça dans un livre que vous avez commis aux éditions Quai, Gènes, pouvoir et profit. Et puis en ce moment, le cœur de vos travaux, quoique vous êtes peut-être passé déjà à autre chose, c'est l'anthropocène. Hein, donc vous avez aussi mis en lumière et de belle manière avec Jean-Baptiste Fressoz, hein, l'événement anthropocène aux éditions du Seuil. En tout cas, un chantier fructueux. Fabien Locher, vous, vos premiers travaux, c'était donc sur le savant et la tempête, c'est ça ? Mes premiers travaux, c'était des travaux d'histoire des sciences sur l'histoire de la prévision du temps au 19e siècle, sur l'histoire de la météorologie marine, sur l'histoire de l'aérostation savante. C'était un travail sur les savoirs et les techniques visant l'atmosphère terrestre. Et à partir de là, j'ai évolué sur la question de l'histoire environnementale en me concentrant sur la question de l'histoire du changement climatique depuis l'époque moderne. Une enquête que je mène depuis quelques années maintenant avec Jean-Baptiste Fressoz et qui donnera lieu à un livre, une enquête pour retracer l'histoire des savoirs, des techniques, des pratiques sociales qui ont pris pour objet le changement climatique depuis le XVIIe siècle. Et nous montrons que depuis le XVIIe siècle, la question du changement climatique causé par l'homme, ou la question du changement climatique d'origine naturelle, j'allais dire, est une question qui travaille les sociétés, qui est prise en charge par des institutions savantes, qui est discutée, une question qui est délibérée dans des assemblées politiques, par exemple... pendant la restauration en France dans les années 1820, on a des grands débats à l'Assemblée nationale pour savoir si la déforestation cause un changement climatique de la France, et la révolution est mise en accusation par les partisans de la monarchie en disant la révolution française a dégradé les forêts et donc le climat de la France. Ce sont des controverses qui sont à la fois politiques et savantes, et donc on étudie dans le cadre de cette recherche. On montre aussi dans le cadre de cette recherche que des domaines scientifiques comme la climatologie historique, dont peut-être on reparlera, qui est en France souvent identifié à la grande figure de Emmanuel Leroy Ladurie, que la climatologie historique a une très longue histoire. Dès le XVIIe siècle, des savants se mettent à utiliser les instruments météorologiques pour essayer de voir si le climat change, et comment il change, et sous quel effet il change. Ah oui, parce que vous parliez d'Emmanuel Leroy Ladurie, hein. C'est en 1967, hein, si je ne me trompe pas, qu'il écrit l'histoire du climat depuis l'an 1000. Et en même temps, c'est ce travail d'historien, en 67. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce nouveau chantier intellectuel qui est le vôtre, avec les nouvelles questions de société, justement, a modifié peut-être les méthodes, les approches de l'histoire par rapport à l'époque des premiers travaux de Leroy Ladurie, Christophe Bonneuil? Il me semble que dans les années 60-70, autour de deux grandes figures qui étaient Leroy Ladurie d'une part et Alain Cormin de l'autre, on avait un éventail de positions entre lesquelles on essaye de naviguer aujourd'hui en histoire environnementale. C'est-à-dire, Leroy Ladurie, il faisait une histoire du climat qui était plus de l'écologie historique que de l'histoire environnementale. C'est une histoire sans les hommes. C'est le climat qui évolue et les sociétés qui s'adaptent. Il n'y a pas une idée d'interaction, une idée que peut-être le petit âge glaciaire pourrait avoir un lien avec la colonisation de l'Amérique qui a éradiqué 50 millions d'Indiens, du coup reforesté tout un continent, et qu'il pourrait y avoir une petite causalité humaine dans le petit âge glaciaire. Ça, ce sont des travaux tout récents qui sont encore discutés, parce qu'il y a effectivement les cycles de l'activité solaire qui sont probablement plus importants. Mais malgré tout, même le petit âge glaciaire, on ne peut pas forcément le considérer a priori à 100% comme un phénomène naturel, et d'autre part, à l'inverse, une vision purement culturaliste, celle d'Alain Corbin, un très beau livre, Le miasme et la jonquille, où on a l'impression que toutes les nuisances, toutes les pollutions, c'est uniquement une question de sensibilité, de représentation. Corbin ne s'intéresse pas aux effets réels et matériels que peuvent avoir des produits toxiques sur le corps des ouvriers, sur les écosystèmes. Lui, c'est la perception, les sentiments, les émotions. Et donc on a d'un côté une histoire très objectiviste et de l'autre une histoire très sensible, constructiviste, sensible, culturelle. Et je crois que l'histoire environnementale essaye d'éviter cet enfermement, cette bipolarité, et de combiner un regard qui est à la fois constructiviste, comme le disait Fabien, mais aussi, et notamment l'idée de l'anthropocène nous y amène, de rematérialiser l'histoire, de faire entrer effectivement des êtres non humains dans le récit historien, de faire entrer les flux de matière, de faire entrer les flux d'énergie dans la fabrique des sociétés. On va revenir sur cette discussion, bien sûr, dans un instant. Je me tourne vers vous, Fabien Locher, parce que c'est votre moment à vous, musical. Vous nous avez proposé The National, Fake Empire, et vous pouvez peut-être nous expliquer tout de suite pourquoi. Pour moi, elle évoque une ville, Los Angeles, où j'ai travaillé en archives, et qui est un lieu important pour l'émergence de la pensée environnementale des années 60-70, un lieu où on cohabite des mouvements environnementalistes radicaux, des institutions qui pensent la question de l'environnement, de la nature, dans le langage de la guerre froide, une institution qui s'appelle la Rand Corporation, dont je pourrais reparler, et aussi un lieu qui est emblématique des grandes émeutes urbaines des années 1960, avec les grandes émeutes de Watts, dans les années 1960, des grandes émeutes urbaines qui ont joué un rôle méconnu, mais à mon avis vraiment fondamental, dans l'émergence d'un environnementalisme politique aux États-Unis. Alors on n'en dit pas plus, on écoute. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, put it half away, in a fake empire, we're half awake, in a fake empire, tiptoe through our shiny city, with our diamond slippers on, do our gay ballet and dance, bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire, we're half awake in a fake empire. C'était The National Fake Empire, le choix de Fabien Locher. Superbe. Vraiment, merci à vous. Suite de la marche des sciences sur France Culture dans cette semaine spéciale Idées, Savoir, la relève. Nous nous intéressons au champ de recherche en pleine ébullition que constitue l'histoire environnementale en compagnie de Fabien Locher, chargé de recherche au CNRS, co-auteur du livre Introduction à l'histoire environnementale, donc paru à la découverte, et avec nous aussi Christophe Bonneuil, historien des sciences et chargé de recherche au CNRS. Et donc, vous avez écrit avec Jean-Baptiste Fressoz votre dernier livre, L'événement Anthropocène, édité au Seuil. Alors, forcément, depuis que je vous écoute l'un et l'autre, je me pose la question suivante. Quand on connaît le terrain de l'histoire et ce que ça brasse, et vous êtes vraiment complètement sur un terrain en ébullition, je le disais, et qui est en phase avec des questions de société et d'actualité, est-ce que vous n'êtes pas de temps en temps ou critiqué ou taxé d'être subjectif, peut-être influencé par les préoccupations climatiques, environnementales d'aujourd'hui? En un mot, que vous faites des travaux qui pourraient être considérés comme des leviers pour agir sur le présent? Christophe Bonneuil ou Fabien Loucher, allez-y. C'est une question en sens social. Moi, ma position est toujours de dire, voilà, qu'est-ce que cache la posture intellectuelle qui consiste à dire que je produis un savoir de façon complètement neutre, sans aucune connexion au présent? Est-ce que cette posture elle-même n'est pas une posture politique qui pourrait être interrogée? Il est probable que les historiens dont parlait Christophe, les historiens progressistes des années 1960, pour qui la croissance était quelque chose de naturel, considéré comme absolument indispensable au progrès des sociétés, probablement qu'ils se pensaient eux-mêmes comme parfaitement neutres, exempt de tout positionnement politique. On voit aujourd'hui rétrospectivement, et ça c'est ce que nous donne le regard historique, que ce n'était pas du tout le cas. Je pense qu'on peut à la fois produire une connaissance d'une grande qualité épistémologique, c'est ça être chercheur, je pense, et en même temps penser cette production de savoir en lien avec des enjeux contemporains. J'assume complètement le fait de dire que je produis un savoir qui se veut objectif et de qualité épistémologique suffisante, disons, et en même temps j'espère que ce savoir que je produis va nous permettre d'avoir des trajectoires de civilisation plus soutenables et plus démocratiques. Ça, je l'assume. Christophe Bonneuil, c'est vrai que la profondeur historique est nécessaire pour nourrir les réflexions aujourd'hui, bien sûr. C'est-à-dire que le passé sert le présent. Oui, je crois qu'on est pris entre deux feux. Le premier, ce serait par exemple d'utiliser les travaux de Fabien Loucher et Jean-Baptiste Fressot sur l'histoire des représentations du climat pour dire, vous voyez, depuis toujours, il y a eu des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme sur le changement climatique. Or, à l'époque, il ne se passait rien. Donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ou inversement, on peut nous accuser d'être finalement victime d'une idéologie écologique qui serait dominante aujourd'hui. Alors là, j'aurais envie de citer Lucien Febvre, notre grand ancêtre, qui dans l'éditorial de Relance des Annales, oui, l'école des Annales, en 1946, écrit « Vive le ciment et le verre transparent. Quand leur assemblage ne répond plus à des besoins nouveaux, on le jette à bas sans peine ni remords. On reconstruit, on repart. C'est une autre force, la force en expansion de ces grandes cités d'Amérique qui tous les 10 ans rebâtissent leurs avenues et font peau neuve. Fini le monde d'hier, à tout jamais fini. Si nous avons une chance de nous en tirer, nous Français, c'est en comprenant au plus vite et mieux que d'autres cette vérité d'évidence, en lâchant l'épave. Allô, vous dis-je, et nagez ferme. L'histoire est capable et seule capable de nous permettre, dans un monde en état d'instabilité définitive, de vivre avec d'autres réflexes que ceux de la peur. Je trouve ça vraiment intéressant parce que qu'est-ce qu'il nous dit Lucien Febvre? Il nous dit premièrement, il y a urgence de la reconstruction et de la croissance. Deuxièmement, le modèle, c'est les États-Unis avec des villes qu'on détruit et qu'on reconstruit. C'est l'obsolescence finalement. Et troisièmement, le rôle de l'historien, c'est d'aider les Français à ramer ferme, à croire en un avenir meilleur sans avoir peur. Et ça, c'était en quelle année, rappelez-nous ? Nos grands ancêtres des Annales, oui, en 1946, oui, assument leur positionnement dans leur contexte. Donc nous, aujourd'hui, on peut avoir un regard critique parce qu'on a 40 ans de travaux qui permettent de sortir un petit peu de ce regard-là. Mais il est évident que nous aussi faisons partie de notre époque, sommes façonnés par les questionnements contemporains. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire n'est pas pleine d'outils pour contrôler ces choses-là, pour avoir une exigence de rigueur, de travail dans les archives, de certification collective des connaissances. Bien sûr, une vraie posture d'historien et avec le sérieux et ce travail nécessaire dans les fonds d'archives. En tout cas, on a bien compris aussi que les frontières de cette histoire environnementale étaient appelées à être questionnées en permanence, mais elles bougent aussi en permanence. C'est ce qui fait que c'est vraiment un univers, une discipline formidable et extrêmement riche. Merci à tous les deux. On arrive au terme de cette première partie d'émission. Je rappelle vos livres, et ils sont nombreux, on pourra les retrouver sur le site de l'émission, bien sûr. En tout cas, Fabien Loucher, Introduction à l'histoire environnementale, paru à la Découverte. On peut aussi citer Le Savant et la Tempête aux éditions Presse Universitaire de Rennes. Et puis Christophe Bonneuil, L'événement Anthropocène, donc avec Jean-Baptiste Fressoz, c'est ça, le livre édité au Seuil, et également Gêne, pouvoir et profit, un livre paru aux éditions Quai. France Culture, La Marche des Sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec tout d'abord un faire-part de naissance. Science et Vie TV est né, et c'était le 30 mars dernier. Science et Vie TV, c'est une manière d'entrer dans la belle aventure de la science, pleine de découvertes, pleine d'émerveillements. Notre mission d'astronaute à l'ESA est d'explorer l'espace, mais aussi de le comprendre. Et afin de bien le partager avec vous, nous avons maintenant Science et Vie TV. Nous allons petit à petit créer une humanité 2.0. Ça marche ! Est-ce que l'évolution des choses, le progrès, va faire qu'il y aura de plus en plus de robots dans nos vies ? J'en suis certain. Selon une étude récente, notre univers numérique va doubler tous les deux ans pour peser en 2020 près de 40 zeta-octets, soit 40 000 milliards de milliards d'octets. L'étape la plus importante, c'était de concevoir une prothèse de la main avec des capteurs capables de fournir des informations sensorielles. Ce virus est totalement nouveau. Bonjour Richard Marocco. Bonjour. Vous êtes président de AB Thématique, directeur général des programmes du groupe AB. Et donc je rappelle peut-être pour nos auditeurs, AB Group, c'est quoi ? C'est une vingtaine de chaînes en France, en Belgique, au Luxembourg ? Une quinzaine. J'étais un peu ambitieuse, d'accord. Payant, donc on les trouve disponibles sur le câble, les box ou la fibre. Absolument. C'est ça. Et donc là, la dernière année, c'est Science et Vie TV. Alors on se dit, cet objectif de mettre la science à la portée de tous, c'est une belle ambition, bien sûr. Et en même temps, on connaissait auparavant, donc vous aviez la chaîne de vulgarisation scientifique qui s'appelait Encyclo. Absolument, on avait déjà touché du doigt l'ambition de faire une chaîne scientifique sur la télévision payante. On avait donc cette chaîne qui s'appelait Encyclo, mais on a très vite senti le besoin de passer à la vitesse supérieure, et pour cela on s'est associé aux leaders en matière de science, puisqu'il s'agit du groupe Mondadori avec le magazine Science et Vie, qui est aujourd'hui la marque absolue en matière de science, en presse, en vulgarisation scientifique. C'est 3 800 000, je crois, lecteurs chaque mois. Avec de belles offres, le magazine, mais il y a aussi les hors-séries, les cahiers Science et Vie. Voilà, Science et Vie Junior, il y a tout un univers. Et vraiment, toute une galaxie, en tout cas. C'était une belle rencontre. On s'est entendu donc pour faire cette chaîne ensemble, qui donc s'est tout naturellement appelée Science et Vie TV. Et voilà, la chaîne, j'allais dire cocorico, la science a une chaîne, enfin, parce que ça fait tellement de temps que les gens parlent. Alors, en France, on parle pas assez de science, oui, à la télévision. Bon, on l'a fait, on a une chaîne et c'est parti depuis 3 mois. Parce que la France a toujours été réticente aussi. On dit souvent que, la science, c'est plutôt anglo-saxon, culturellement anglo-saxon, et que en France, soit on est scientifique, soit on l'est pas, donc c'est pas à la portée de tous, ce qui est totalement faux. Oui, c'est toujours un petit peu le débat qui est très très franco-français, qui est effectivement, si on fait de la vulgarisation quelque part, c'est un peu non pas méprisable, enfin c'est pas vraiment de la science. Donc on a de très grands scientifiques, de très grands chercheurs, mais on ne sait pas toujours faire partager leurs découvertes, leurs discours au plus grand nombre. Et les gens sont passionnés par la science. Les gens adorent ça, tout le monde s'intéresse à ça, et on peut très bien parler effectivement de la réalité augmentée, des neutrons ou du cosmos, sans aligner des équations mathématiques sur un tableau noir, mais en écoutant simplement ces gens qui savent aussi parler très simplement de choses très compliquées. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'offres télévisuelles ou même radiophoniques. Nous, on vérifie sur France Culture avec la tranche Science Culture, il y a un véritable engouement. Si on prend les chaînes comme Arte ou France 5, dès qu'il y a des programmes scientifiques, là aussi, le succès est là. Et en même temps, l'offre était vraiment pas à la hauteur, on peut dire. Donc, cette télévision uniquement dédiée à la science, c'est vrai que c'est un événement, et en même temps, vous le faites avec l'expertise et la dynamique des journalistes de Science et Vie. C'est ce plus peut-être là aussi que dont vous avez envie. Oui, je pense que même si on parle de vulgarisation, la science c'est quelque chose de très sérieux, donc je pense que quand on fait de la science à la télévision, il faut savoir vulgariser, mais il faut aussi savoir être extrêmement rigoureux. Donc on peut pas évidemment dire n'importe quoi, ne pas être crédible dans ce qu'on va diffuser. Donc tout naturellement, n'étant moi-même pas du tout un spécialiste de science, il fallait qu'on ait cette crédibilité, ce savoir-faire et cette marque, d'où l'alliance avec Science et Vie. Alors vous nous offrez une programmation thématisée. toute la journée, mais aussi thématisée toute la semaine. Ça, donc vous me dites si je me trompe, le lundi c'est sciences et techno, le mardi corps et santé, mercredi nature, environnement, jeudi sciences et société, vendredi sciences et espace, mais ça c'est pour les temps forts dans oui, la oui, grille. Oui, enfin tout naturellement, ce sont des grilles de chaînes thématiques, donc là on rentre un peu dans la cuisine audiovisuelle. Oui, mais c'est bien là. De faire. Alors c'est vrai qu'une chaîne de télévision se doit d'avoir des rendez-vous pour que les gens aient un minimum de repères, donc si par exemple vous vous intéressez à l'espace, il est bien que vous vous rendiez très vite compte que tous les samedis à 17h, il y a un grand documentaire, parce que c'est votre créneau, c'est là que vous êtes devant la télévision, c'est là que vous pourrez voir quelque chose sur l'espace ou autre chose. Donc voilà, mais tous ces rendez-vous sont effectivement donc thématisés par jour, mais c'est le prime time, après ça circule dans la semaine, ça rediffusé, etc. Donc, avec une politique d'achat, une politique de production alors, de frais aussi. Bien entendu, nous allons acheter, nous achetons une grande partie de nos programmes auprès des plus grands producteurs anglo-saxons, francophones et autres. On a lancé une véritable politique de production. C'est une des ambitions de la chaîne, c'est-à-dire de pouvoir... Parce que il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les programmes de science sont souvent le monopole des anglo-saxons. Donc la France en produit peu. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous, on sait faire. Donc on va s'appuyer sur la chaîne pour produire des séries scientifiques de télévision qu'on va vendre à l'international pour nous aussi qu'on ait notre voix dans ce concert. Donc là, pour l'instant, on est peut-être plus dans la fabrication de ces produits. Hein, on a lancé une première grande série qui s'appelle Le Monde de Demain, qui a déjà une dizaine d'épisodes, qu'on a déjà vendu dans une vingtaine de pays. Donc c'est un vrai succès. Donc on vient de lancer la deuxième saison. On a en projet des documentaires à l'occasion de la COP21, bien entendu. On fait, par exemple, typiquement un sujet qui ne sera pas traité par les producteurs anglo-saxons. Qu'est-ce que le changement climatique en France? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à Bordeaux, à Poitiers? Qu'est-ce qui va se passer à Lille quand il y aura dans les 2 vignobles, degrés de ne serait-ce que dans les vignobles voilà. Français donc, aussi vu du point de vue français. Donc on va alterner les choses qui sont adaptées à l'international et aussi les sujets très très français. Alors le lancement, c'était le 30 mars dernier, et donc on est quasiment à un peu moins de 3 mois après ce lancement. Est-ce qu'on peut faire un mini-bilan déjà? Le mini-bilan, oui, le premier c'était l'accueil très franchement enthousiaste de la plupart de nos partenaires, que ce soit donc les plateformes, les réseaux câblés, les médias, même tout le monde était très content et très favorablement impressionné par la chaîne, en tout cas. Donc ça, c'était déjà très bien. Ça prouve qu'il y avait un manque et une attente. Maintenant, il va falloir combler cette attente, car plus elle est élevée, on a mis la barre assez haut, donc il va falloir, il faut livrer, comme on dit chez nous. Voilà, toute cette politique de production qu'on a mis en route, toute cette ambition que vous voyez dans la grille et dans les programmes, on se doit de la combler à partir de la rentrée. Donc les documentaires, les reportages, on n'a pas cité aussi le magazine. Hein, oui, il faut revenir sur ce magazine qui est très très bien. De Jérôme Bonaldi, voilà. et donc avec un journaliste, à chaque fois je crois, de Science et Vie, voilà. Et puis des scientifiques. Absolument. Avec un beau comité de parrains. Voilà, donc ce comité de parrains qui était la volonté là aussi de s'ancrer dans la science et les scientifiques français, on a réuni un comité de parrains. Tous sont venus au lancement de la chaîne. Enfin, ils étaient aussi eux-mêmes très contents de pouvoir dire oui, en France, on fait de la science, mais on va aussi en parler et c'est formidable. Donc Claudie Aigneret, Jean-Louis Etienne, André Ebrahic, Jean Jouzet, Yves Coppens, enfin, voilà, on les a quand relevés même des prix beaucoup. Nobel en France, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle avec eux, il faut que eux parlent. Et alors, petite question, parce que pour la marche des sciences, c'est l'histoire des sciences aussi qui nous titille un petit peu, l'histoire des sciences présente. C'est vrai qu'on prépare par exemple une histoire d'Einstein pour l'anniversaire l'année prochaine de sa théorie. Ça prend typiquement place dans l'histoire des sciences. Mais enfin, c'est vrai qu'on est très ancré dans la découverte, les thèmes d'actualité, théories, de société et le futur. Comprendre. La baseline de la chaîne, c'est la chaîne pour comprendre. Donc c'est vraiment l'ambition de la chaîne. Ouais, en même temps, retenez ça, Richard Marocco, l'histoire des sciences. C'est là aussi, il y a un public qui en est très friand et c'est de l'histoire et c'est des sciences. Et c'est en tout cas une belle initiative Science et Vie TV, des films, événements à voir en juin. J'ai noté Dépolluer la planète, du baiser au bébé, Le Monde de Demain, enfin une programmation en tout cas très riche et qui vient remplir ce vide télévisuel, on peut dire, une chaîne totalement dédiée. On vous souhaite bonne route en tout cas, Richard Marocco, avec Merci Science à et vous. Vie TV. Merci. Et l'actualité des sciences et de l'histoire, c'est aussi la carte blanche de Céline Duchesnay. Bonjour Céline. Bonjour Aurélie. Alors vous rêviez de nous emmener en Suisse, hein, à Genève, dans le musée d'ethnologie de la ville qui a rouvert ses portes il y a 6 mois. Et ce rêve, eh bien, se réalise aujourd'hui. Oui, en fait, j'avais très envie de découvrir ce musée, notamment le département d'ethnomusicologie qui regroupe 2 collections tout à fait complémentaires. Donc les instruments de musique, il y en a environ 2500, et les enregistrements sonores. Alors il y a là un fonds très riche nommé les Archives internationales de musique populaire, qui a été fondé en 1944 par l'ethnomusicologue roumain Constantin Brailoiu, soit 16 000 heures de musique et de chants enregistrés sur le terrain dès 1928 et qui proviennent des 5 continents. Alors pour nous en parler, Madeleine Leclerc, conservatrice et responsable du département d'ethnomusicologie du musée d'ethnologie de Genève. Un de mes dadas, des sujets qui m'intéressent, c'est de réfléchir à des propositions d'exposition de la musique. La musique étant une forme d'expression artistique à part entière, mais c'est pas très simple dans un musée où l'accent est souvent, le plus souvent mis sur des objets qui sont présentés en vitrine avec tout un éclairage très sophistiqué, le soclage, et ainsi de suite. Je dirais que pour ce qui concerne la collection physique d'instruments de musique, c'est peut-être pas très différent, les problématiques sont pas très différentes finalement de celles de mes collègues qui exposent d'autres types d'objets. Donc il s'agit de faire une sélection d'instruments de musique à partir d'une thématique très précise qui va nous permettre d'organiser la muséographie et la présentation des instruments. Comme par exemple ici, cette première grande vitrine est consacrée à une des thématiques qui découle de la coprésence des archives sonores et des instruments. C'est sur les terrains, la collecte sur le terrain, la collecte d'objets et la collecte d'enregistrements sonores également. On a mis l'accent sur les terrains roumains et les terrains européens qui ont été importants dans la constitution des collections d'ethnomusicologie ici au MEG. Il y a une partie où un certain nombre d'instruments de musique de Roumanie sont présentés, comme cet instrument un petit peu bizarre qu'on appelle violon à cornet en français, un instrument qui vient de Roumanie. Le corps sur lequel 4 cordes sont tendues est associé étroitement à un pavillon qui évoque les phonographes et les gramophones qui ont été utilisés au début du XXe siècle comme outil d'enregistrement sonore. C'est un instrument un petit peu spécial, mais qui est encore joué dans certaines régions de Roumanie. Si on écoute l'enregistrement qui est associé à cet instrument, on se rend compte que le son est un petit peu voilé. C'est quand même pas une sonorité comme celle d'un violon, où on a la caisse de résonance qui donne une couleur très particulière au son, à la sonorité de l'instrument. Là, le son est un petit peu voilé. C'est différent. Et puis alors, cette musique aussi, vous la donnez à entendre d'une autre manière à travers une chambre sonore. Alors qu'est-ce que c'est que cette chambre sonore ? Alors, je voulais avoir une proposition qui est une approche plus sensible, une approche de la musique par l'émotion. Comme on est dans cet environnement où on a des instruments de musique qui sont présentés, j'ai eu l'idée de mettre l'accent sur une des spécificités de ce qui est un instrument de musique, c'est que ça m'aide des matériaux en vibration. La musique, le son, ça vient pas, c'est pas une onde qui sort comme ça de l'inconnu, c'est des ondes qui sont produites par la mise en vibration de matériaux physiques ou l'air également comme matériaux gazeux. Ça a été le point de départ de la réflexion sur l'organisation de cette chambre sonore. La chambre sonore n'est pas une explication du fonctionnement acoustique des instruments, mais ça met l'accent sur les couleurs, sur les timbres sonores, sur les matériaux, puisque la couleur d'un son est directement liée au matériau qui est mis en vibration et également la manière dont on le met en vibration. Donc j'avais cette idée-là, je voulais avoir un espace pas très grand dans lequel on a une écoute collective et immersive avec un bon système de haut-parleurs et un endroit un petit peu en dehors du temps pour pouvoir découvrir cette proposition. Le matériau de base a été réuni par moi dans ces archives sonores très importantes. J'ai choisi les pièces qui me semblaient être les plus représentatives de cette thématique, de ce fil conducteur, qui est les matériaux qui sont mis en vibration. On entend un mix fait à partir d'enregistrements sonores qui font entendre des tambours, donc on entend les sonorités très aiguës, des baguettes toutes fines qui frappent la peau très tendue. en même temps, on entend des sonorités plus graves, plus mates, plus lourdes, puisqu'il y a des tempos qui sont de très grande dimension et parfois les peaux sont tendues d'une manière très lâche et ça fait une sonorité qui est beaucoup plus mate, plus grave. Donc c'est toutes ces couleurs-là, ces différentes manières de mettre en vibration la peau, soit de tendre la peau, également de fabriquer les instruments, qui est vraiment l'objet et qui était le fil conducteur de cette composition qu'on entend. Si vous avez envie de réécouter les morceaux de musique diffusés dans la chambre sonore du musée, vous pouvez vous procurer le disque de cette installation musicale. Ça s'appelle Chambre sonore, musique mixée par Julien Pérez, et c'est une édition du MEG. Et pour retrouver le musée d'ethnologie de Genève et sa collection de 80 000 œuvres, direction la Suisse bien sûr, ou en avant-goût en vous rendant sur le site internet très complet de ce musée. Eh bien, merci beaucoup Céline pour ce voyage. Informations et liens retrouvés sur le site franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives. Vous pouvez réécouter aussi l'émission pendant 1000 jours ou mieux la télécharger pendant un an. C'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe fidèle. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesnay, Anaï Morales et Anne Delaveau de l'INA. Et à Janine Vital de la documentation sonore de Radio France. À la réalisation, grand merci aussi à Alexandra Malka et à la technique d'Ofar Guéride. La semaine prochaine, émission spéciale Grand Portrait de scientifiques et nous serons en compagnie du docteur Eliane Gluckmann, professeure d'hématologie et chercheuse à l'INSERM, une femme à qui l'on doit la première greffe mondiale de sang de cordon ombilical et autant d'espoir bien sûr pour des malades. Demain, n'oubliez pas votre autre rendez-vous de Culture Science à 14h, Michel Alberganti et Sciences Publiques. Et puis à 15h, aujourd'hui, Antoine Garapon, Esprit de Justice. Mais tout de suite à vous, les bonnes feuilles du jour. Bon après-midi à tous.